Le lundi 23 janvier, ici Dominique Lelièvre et les informations. Vie citoyenne d'abord, on connaît maintenant le lieu où sera érigée la future place publique éphémère du quartier Mézeray. À partir de juin, c'est sur le parvis de l'église Saint-Pascal que sera aménagée la nouvelle installation. Le conseil de quartier de Mézeray avait lancé cette idée dans l'espoir de construire un sentiment d'appartenance auprès des résidents du quartier. Un atelier participatif a réuni quelques dizaines de citoyens la semaine dernière et a permis d'élaborer les grandes lignes du projet. Une autre rencontre citoyenne est prévue le 15 février prochain. Le co-porte-parole du parti de Bernard Gauthier claque la porte un mois après l'arrivée du leader syndical en politique. Important collaborateur du parti citoyen au pouvoir, Franck Malenfant affirme quitter en raison du contexte politique et médiatique qui aurait déformé le message initial de sa formation politique. Dans une lettre publiée sur Facebook, il dit être guidé par des principes démocratiques et d'égalité politique qu'il ne retrouve plus dans son parti depuis l'arrivée de Bernard Gauthier. Il mentionne toutefois avoir du respect pour cet homme qu'il qualifie de humble et de bien intentionné. Scène internationale, le président américain Donald Trump a signé un décret affirmant la volonté des États-Unis de se retirer du partenariat transpacifique. L'accord signé il y a un an prévoit une zone de libre-échange entre 12 pays, dont fait partie le Canada. M. Trump serait également sur le point de signer un autre décret pour demander la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA. Mentionnons que le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, est en réunion à Calgary jusqu'à demain en retraite avec son cabinet pour discuter justement des orientations de l'administration Trump. Enfin, l'Université Laval championne des cours en ligne au Québec et au Canada. Selon ce que rapporte Le Soleil, l'institution a ajouté en janvier 42 nouveaux cours à son offre pour un total de 900 cours offerts à distance, loin devant les autres universités québécoises. Elle surpasse également toutes les autres universités au pays. L'Université Laval et la TELUC font d'ailleurs part de leur volonté de continuer à développer ce secteur et songent même à s'associer avec le monde du jeu vidéo pour rendre plus ludique et attrayante leur offre de cours en ligne. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. Ça se dégage cet après-midi. Le mercure va grimper jusqu'à moins 3 degrés et ce sera venteux, des vents du nord-est qui vont souffler à 20 km/h et des rafales à 40 km/h. Ennuagement ce soir, ce sera venteux également. Il fera moins 6. Demain, mardi, eh bien, on pourrait bien recevoir une autre tempête hivernale, accumulation de neige et de grésil de 10 à 15 cm. C'est ce qui est prévu. Des vents qui vont souffler jusqu'à 70 km/h et un maximum de moins 4 demain.